Y'a tant de choses à faire qu'on a l'impression d'en accomplir aucune. Cherche à poser ma pierre avant qu'on allume mon cierge. Le casier social vierge. Mais qu'on se perche, on bosse fier. Si je vais voir le bien à travers une vie prospère. De l'indulgence sur mon cas quand il faudra me juger. Prudent sur le cap de mes frères que je capte le sens de nos traces. Car tous de passage, acteurs du bien ou mal, comme toi ou moi. Le choix est simple, pas être KO par le sort avant de partir. Tu vois ce que je veux dire, mec?